Salut, salut, salut et surtout bonne année. Comme toutes les années précédentes, depuis un petit bout de temps, 2017 ne va pas déroger à la règle. Vous serez tous, j'espère, fidèles à vos émissions favorites sur Radioactive de manière générale, à Lost in Space de manière particulière, car c'est Lost in Space qui commence maintenant sur les ondes pour ce 1er janvier. Alors forcément, on a un peu la tête dans le derrière, mais ça, c'est normal, comme tout le monde. Demain, il va falloir aller au boulot, comme tout le monde. Mais bon, ça n'empêche pas que l'on va passer une bonne soirée qui va commencer pour se remonter le moral avec C.G. Ramone. Free to tell me, baby, you do. say. I don't want to know the kind of fool they'll make of me. The public gets what they deserve, not what they demand. Unless we all decide to be a business, not a band. What's come over me? I'm getting dizzy. Please, will someone make it stop? We'll be right back. Richard is Paul home? What did they bump? What's that house? What's that house? What's that house? He just went out. I don't know where. I think he's there to do that. Oh, what's that, Sam? Sam, I know. Anyone here? I'm not a troll. I'll leave a message. I really don't know where he is right now. I don't know where he's going to be back. Hello? Oh, Jack? No, Jack? No, Jack? No, no, no, no. What's that house? What's that house? Collision days with Still in school, so gonna love a chest shot. Charles Muthart à l'instant avec Habit Creeps sur le 100 FM Radioactive Lost in Space. Et en 2017, comme l'année précédente, nous avons nos rubriques récurrentes. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par les Slits avec l'histoire des Slits. À noter que juste après, on aura, enfin juste après le premier extrait du bouquin, parce que c'est un bouquin dont il s'agit que je vous lis régulièrement, on aura une version splendide des Slits qui reprennent Police and Thieves, vous savez, ce morceau de Junior Mervyn, popularisé aussi après par les Clash, et qui en font une version vraiment, vraiment parfaite. Allez, c'est parti. Bien qu'elle fût elle-même assurément sauvage et excentrique, Nora semblait pouvoir gérer les situations normalement, de manière relativement calme, en particulier quand Harry commençait à lui ruer dans les brancards. Harry avait l'habitude de l'insulter et de lui lancer des jurons, dit Palmolive. Mais Nora en riait simplement, et nous rions ensemble, tout le monde était heureux. Le fait qu'elles étaient mère et fille jouait certainement, mais ce n'était pas une relation habituelle. Steve explique. Harry piquait souvent des colères, mais elle était en pleine période de puberté. Cela devait être difficile de vivre avec sa mère alors que celle-ci était en partie impliquée dans le groupe. Personne ne lui attribue de mérite pour cela, le fait de grandir dans un groupe punk avec sa mère dans les coulisses et pas de père. Pour cette raison, personne ne lui laissait trop de marge de liberté. La personnalité peu conventionnelle de Nora aura joué son rôle dans le fait qu'Harry soit sans complexe, mais Harry en faisait beaucoup à sa guise. Elle avait peut-être grandi avec le punk, se frayant son propre chemin, mais elle ne se souciait guère de ce que les autres pensaient. Ou si elle repoussait les garçons typiques, c'était juste parce qu'elle ne jouait pas le jeu, ni n'essayait de les séduire. Il ne s'agissait pas pour elle de frimer ou d'être peu naturelle. Elle avait mieux à faire et elle s'amusait. Et malheur à qui essayait de l'en empêcher. All right, let's do the split, shall we? Yeah. Let's do the split. It's about splitting up with a boy. No, it's just about, you know. Yeah, about guys. Hey! So drummer and bass player. And let's do the split. It's about fucking guys fucking us about, and we tell them to fuck off. And we just get fired. trying to be cool? Why do we just get out of order? Why do we just try out of order? Why do we have a la la la la la la la la la la la? Why do we just get Vive, j'adorais son style et elle avait une attitude géniale. De plus, elle était libre. Harry était très décomplexé concernant son corps et en ces jours, vous n'aviez pas à vous inquiéter d'avoir un corps parfait, comme vous pouvez le faire maintenant. Maintenant, il y a Girls Aloud et Sugar Babes. Elles font déballage de leur jolie forme. Cela aurait été déplacé à l'époque. Les mecs ne vous auraient pas regardé de cette manière. Si vous étiez énorme, peut-être, ou très maigre, ils auraient pu vous remarquer. Mais si vous étiez juste entre les deux, normal, personne ne disait des trucs du genre « elle a un super cul » comme aujourd'hui ou « elle est en forme ». Il n'y avait rien de tout ça. Alors, Harry était un peu comme une enfant. Ça ne lui posait aucun problème de se montrer dénudée, où elle portait une culotte par-dessus le pantalon, tu vois, et ça ne la gênait pas de pisser sur scène. Elle a expliqué plus tard que c'était juste parce qu'elle n'aurait pas eu le temps de courir aux toilettes des coulisses. Que peut y faire une fille ? Elle était très bien dans sa peau, et je pense que c'est encore le cas. Wir sind Frauen und wir brauchen nicht sagen, dass wir Frauen-Movement sind, weil das ist ja nur, um uns zu sichern, dass wir Frauen sind. Aber wir wissen das ja vom Anfang. Es kann uns ja nicht wehtun. Die Männer sind die Männer, dann lass sie halt. I mean, Menschenskind, was ist denn das? Hast du deine Tage? Just talking about women. Ja. Wie die Frauen sagen, wir können alles, was Männer können. Nee, ich kann nicht, ich bin nur eine Frau, ich bin eine Frau. Und zwar eine Frau und ich kann nur, was Frauen können. Ja? Damit das mal klar ist. One, two, three. Get away! Besuch aus Amerika, The Blood. Vous êtes toujours sur le 100 FM, on vient d'entendre le Man Next Door, repris ensuite par Massive Attack, mais là c'était la version originale des Slits. Avant le concert qui va venir dans pas longtemps, on écoute Never Draw Back. Yeah. Toujours calé sur le 100 FM en ce 1er janvier. Nous allons maintenant passer au live. C'est le Saddest Vacation de Johnny Saunders. C'est un bootleg japonais d'une des toutes dernières tournées du Grand Jeannot en 1991. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Le son est plutôt bien en plus pour une fois, pour un bootleg. Et c'est parti avec Johnny Saunders. Home is where the heart is. Justice, I am her seed. Her to her is deserved. your shoes, but now you walk around like your front page news. Oh, you've been awful careful about the things you choose. Oh, you won't find my name in your book or hoes, ho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Journalists. It's called I Tell the Truth Even When I'm Lying. I tell the truth even when I'm lying. I behind. To criticize me, yeah, who are you to try to categorize me? Forgive them, Lord, they know not what they've done. In the name of the Father and the Son, judgment day will come. Well, Houdini couldn't escape all you said I did done. Well, sticks and stones break my bones, but your words don't harm. So I'm not your critic's choice, I never wanted to be. So I'm not your critic's choice, you know it doesn't fit me. I tell the truth even when I'm lying. I tell the truth even when I'm lying. An open letter to the music press. I revoke your poetic license. You probably got on 42nd Street. Same place you got your lover. Same place your mother got your father. Well, wisdom sets limits on your knowledge. What doesn't destroy me makes me stronger. He without sin cast the first stone. God, a mistake of man. Oh man, a mistake of God. I tell the truth even when I'm lying. I tell the truth even when. Vous êtes toujours sur le 100 FM, on a eu Johnny Saunders en concert, on continue avec de presque la même époque les Talking Heads et Psycho Killer, le tout entrecoupé d'extraits de l'émission Atelier Intérieur de France Culture, où le cinéaste F.J. Ossan était invité. Better run, run, run, run, run away. C'est-à-dire que je fais des films en Super 8, beaucoup. Et après, plus que le désir de la transgression dans l'esthétique d'une image, c'est plus la nécessité d'une méthode de tournage pour produire de la parole, pour produire quelque chose, enfin du cinéma, hein, si, autant que possible. Et après, un goût pour le celluloïde. Et comme le support est tout petit en Super 8, quand on a grandi, on voit beaucoup le celluloïde. Now I'm ready. data, 3 potato, 4. Dehumanize, then immunize, boost, visualize the door. 5 potato, 6 potato, 7 potato, more. Absorbent deodorant, stick that between your legs, honey! Your supplies, roll out the barrel, it's time to Americanize. Rational thinking eludes you all the way. Preconceived notion, the fashionizing way. Conservation is a problem within. Civilness, we can't discuss the quagmire we are in. Don't be irrelevant, don't supervise those lies. Mathematically, schematically, what's any good of it? En fait, je les déplace pas réellement, j'essaie de transmettre l'endroit où elle se fixe chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est à la fois intime et à la fois assez universel. Je pense qu'on entend surtout les chansons du répertoire de variété internationale, on les entend d'une certaine manière, parfois les paroles anglaises, on entend phonétiquement un mot français ou alors un autre mot anglais dont on peut plus jamais se départir, et puis on se rend compte qu'on est nombreux dans ce cas-là, qu'on est une majorité même. Et parfois des chansons comme ça de variété qui semblent très littérales, finalement elles nous évoquent des chiffres. Il y a des zones plus floues et qui nous sont communes. Alors c'est ce que j'essaie de chercher, enfin de trouver plutôt. Niet uit de brood en slim naar beloofd. c'est vraiment de ça qu'il s'agit, du rapport entre l'intime et le fait que la chanson populaire soit aussi largement partagée. C'est ce que je trouve fascinant dans la chansonnette. Je dis souvent la chansonnette sans aucune nuance péjorative. J'aime beaucoup ça. See ya. j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Quoi. C'est pas du tout. Enfin, c'est très intelligent, très fin, très. Oui, c'est pas une traduction, c'est pas un fake, c'est pas. C'est vraiment de la poésie. Je ne sais absolument pas parler de ce que vous faites, mais ça me plaît avec beaucoup. Ta talent. Gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask what for. 1, 2, 3, 4. Standing here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off. Gimme, gimme, gimme. Gimme some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask what for. I'm gonna go out, get something for my head. Gimme, gimme, gimme, don't ask for more. I know the world's got problems, I got problems of my own. Not the kind that can't be solved with an atom bomb. So gimme, gimme, gimme, gimme some more. Gimme, gimme, gimme, don't ask for more. Gimme, gimme, gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme, don't ask what for. 1, 2, 3, 4. Standing here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off. So gimme, gimme, gimme, gimme some more. Gimme, gimme, gimme. Face to face, the speed and age, the need to seize, the chance to die, another death don't cry, another death don't cry. These experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Geisen said that writing is 50 years behind painting and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was, in fact, kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines, then took a scissors and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged texts seem to refer to future events. was off. We wouldn't wanna break the egg as we walk. Never alone, cautious, afraid. I hear the voice of reason on the PA. Leave it alone, follow the grain. Bad Religion à l'instant sur le 100 FM avec Do What You Want. On continue en musique avec Frustration, un des tout meilleurs groupes français. Sélection qui va être entrecoupée de quelques extraits du Polar de James Ellroy, Perfidia. We'll be right back. T'as piqué un flacon de Périgorique ? C'est une habitude chez toi ? Une fois par semaine, chef, je réduis les doses. Si je mens, je vais en enfer. Je te donne 30 secondes pour me convaincre que ce n'est pas toi qui as indiqué cette boutique au braqueur. Il te reste 29 secondes à partir de maintenant. Le drogué joint les mains comme pour le supplier. C'est pas moi, chef. J'ai étudié la pharmacie à l'université catholique Saint-Jean Bosco. J'ai été élevé par les frères dominicains. Mix rafle un flacon de Périgorique sur l'étagère. Le drogué se passe la langue sur les lèvres. Alors, qui tu vas appeler pour cafeter les revendeurs de cam et recevoir en échange la marchandise qu'on a confisquée ? Qui c'est ton papa, né et puis élevé en Oklahoma ? C'est le sergent Turner Mix. C'est mon papa et si je mange, je vais en enfer. Mix lui lance le flacon. Le drogué détale vers l'autre bout de la travée. Mix dit. Vous êtes tellement méticuleux, Ashida. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi fasciné par ce genre de travail. À l'autre bout du drugstore, la petite fête touche à sa fin. Blanchard serre les vieilles dames contre lui. Le gérant sort un appareil et prend des photos. Il cadre Pinker avec son pinceau à déposer la poudre et Big Lee, le dos rond, les poings devant lui, comme sur un ring. Mix le rejoint et fait semblant d'échanger des coups avec lui. Les vieilles dames poussent des cris aigus. Ils se disent tous au revoir sur le trottoir. Ashida défroisse sa veste et les laisse se disperser. Pinker, Blanchard et Mix sont plantés devant le bidule photographique. Blanchard et Mix ont l'air sacrément impressionnés. Break out, maybe break out. right out my window, walking down the street, my girl with another guy. Those arms around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Closing her eyes and telling them lies exactly like she told me to. Oh, yeah.